T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 et bien pour une heure et demie de musique indépendante, de musique alternative, en tout cas pour le meilleur de la musique que vous n'entendez nulle part ailleurs. Aujourd'hui nous sommes le samedi 2 avril, je ne sais pas si vous avez eu votre lot de poissons d'avril hier. Nous, cette émission, c'est pas une blague, on est là pour vous faire découvrir le meilleur, et c'est l'épisode numéro 371. Voilà, je pense que pour l'introduction, j'ai dit à peu près tout ce que je devais dire. On va voir notre lot de nouveautés aujourd'hui, évidemment. On aura, qu'est-ce que je vais vous dire, Bill Price, on aura un extrait du nouveau EP de Steven Casper and Cowboy Angst. Plein d'autres nouveautés, hein. Dear Liar, qu'est-ce qu'il y a encore, Ashera, c'est aussi une nouveauté. Et puis on va commencer avec une chanteuse qui s'appelle Inouï, et un morceau intitulé The Beast in Your Eyes, la bête dans tes yeux. Allez, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h30, c'est Planet Indie, comme chaque premier samedi du mois, et puis j'en profite aussi pour vous rappeler aussi que nous serons rediffusés demain, aux mêmes heures et sur la même fréquence, voilà. Place aux femmes en ce début d'émission. À l'instant, c'était une nouveauté avec Ashira. Et on a commencé donc avec Inouï et The Beast in Your Eyes. Ashira nous interprétait un morceau plein d'énergie, plein de sucre, puisque ça s'appelait Sugar. Entre les deux, on a réussi à caser le groupe post-américain avec Low in Love. Et on continue avec les femmes, puisqu'on va écouter Nadia Codes, Place in My Heart. Mais avant cela, tout de suite, Milesia, Anxious. Et puis après ces deux artistes, eh bien, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay d'aujourd'hui. Un album qui nous emmènera dans le monde merveilleux et enchanté du blues. Vous allez voir ça. Allez, je vous le dis tout de suite, ce sera le nouvel album de Billy Hector. Un album qui s'intitule Old School Thing. Bon, allez, tout de suite, on laisse la place à Milesia et Anxious. Close the door, don't touch the lights. I got something special for you tonight. Only want you to see a silhouette of my body sliding on your body, babe. More than a one night stand. Anyway, you want it, baby, you can't get it. Nobody's had me the way that you do. My body, your body, oh. Right there, I know that you're loving everything that I'm doing. My time, while I'm making sweet love to you, from the floor to the bed, in the beds where it all will end. 'Cause I'ma throw this body on you, euphoria. Been waiting. Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. In my heart that you'll never see, and you'll never know. Yeah, there's a place in my heart that is sacred. It's sacred. Who am I? I think I know that my soul is old and out of control. Yeah, there's a place in my heart that is taken. Taken, but I face and dip inside. scared, but there's a place in my heart that shouldn't be awakened. Yeah, tell me that I have a right to be someone in this life, invisible for some and precious for all. Voilà, on l'aime beaucoup, elle s'appelle Nadia Codes, elle nous interprétait le morceau Place in My Heart, et puis je vous rappelle avant cela, elle s'appelait Miledia, et le morceau Anxious, 17h21, eh bien je vous propose, comme chaque mois, de passer à la découverte de notre album Powerplay, un album découverte, puisque on en passe 3 extraits au cours de cette émission. L'album que j'ai choisi aujourd'hui, comme je vous l'annonçais, c'est un album plutôt orienté blues, c'est le nouvel album de Billy Hector, un album qui s'intitule Old School. Thing. Alors, Billy Hector, qui c'est ce gaillard? C'est pas un perdreau de la dernière pluie, hein, puisqu'il est né en 1956. Il est né à Orange, pas le Orange en Californie, hein, le Orange du New Jersey. C'est là que ses parents se sont rencontrés. Il aime à raconter que, eh bien, ses parents se sont rencontrés dans une plaine de jeux où ils jouaient au ping-pong et ils vivaient à une rue de distance l'un de l'autre. Il raconte aussi qu'il est né dans une famille de pompiers. Bah oui, ça ne prédisposait peut-être pas spécialement à la musique, mais son grand-père était pompier, son père était pompier, son frère est pompier, et maintenant c'est son neveu à lui qui est pompier. Donc être pompier, ça mène à tout. Il a commencé la guitare à 9 ans, pardon. En fait, il s'est rendu compte dans la ville de Orange, là où il vivait dans le New Jersey, que, eh bien, à cette époque-là, il y avait beaucoup, beaucoup de groupes de musique et beaucoup de clubs aussi. Et alors, et puis un jour, il a entendu les Beatles dans une émission de Ed Sullivan. Et c'est là qu'il s'est dit, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il raconte qu'il était à l'école paroissiale pendant une douzaine d'années, et un jour il jouait là devant les élèves et devant les professeurs, et puis il y avait une des sœurs qui était professeure, qui lui a demandé ce qu'il voulait faire de sa vie, ce qu'il voulait faire pour gagner sa vie. Il lui a dit, je vais être un musicien. Elle lui a dit, oh non, tu devrais plutôt être un prêtre. Bon. Et puis après, une autre sœur, un peu plus tard, lui a demandé ce qu'il voulait faire. Il était un peu perdu, il ne savait plus trop quoi faire. Il dit, je ne sais pas. Oh, t'es fou, tu devrais être musicien. Donc, comme quoi la vie parfois réserve quelques surprises. Il a donc commencé à prendre des leçons de guitare à l'âge de 9 ans, et il a étudié pendant une paire d'années essentiellement du jazz et de l'histoire de la musique à la William Peterson University. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première partie de présentation et écouter un premier extrait. Un premier extrait assez long puisqu'il fait presque 8 minutes. On va pas écouter tout mais au moins le début. Ça s'appelle People of the World. Je vous rappelle donc son nom, c'est Billy Hector. On vous mettra aussi une vidéo, on va essayer de trouver ça sur la page Facebook de Planet Indie et si vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas, hein, rejoignez-nous. Vous tapez Planet Indie dans Facebook ou dans Google et puis vous arriverez directement chez nous. Allez, laissons la place à la musique. People of the World, c'est le premier extrait pour ce soir de notre Power Play. Power Play. Power Play. We'll be right back. things we should bring, and we must not forget anything. Not the knife, spoon and fork, the potatoes, the pork. Here's a list of the things we should bring. There are 24 things on the list. I just pray that there's nothing I missed. Not the butter, the cheese, nor the one sack of peas. There are 24 things on our list. And here's the ration that we recommend. See below the sum you'll have to spend. Here's the list on which you can depend. Earrings, 10 barrels of beer, and some good Swedish leather for all kinds of weather. The list is as big as my fear. And here's the ration that we recommend. See below the sum you have to spend. Here's a list on which you can depend. We must not forget anything. Not the knife, spoon and fork, the potatoes, the pork. Not the pillow, the hat, two plates and a mat. Not the eight loaves of rye, not the words of goodbye. Here's a list of the things we should bring. Vous avez peut-être fait votre to-do list, votre liste de choses à faire ou votre liste de courses. Vous êtes peut-être un adepte des listes. Eh bien, eux, ils vous rappelaient de les faire. West of Eden, avec le morceau de List, cet extrait de leur tout nouvel album qui s'intitule Look to the West. Vraiment un très beau morceau et un très bel album qu'on aime beaucoup. Avant cela, je vous rappelle, c'était Billy Hector, notre powerplay. On a un petit peu coupé la fin parce que, comme je vous l'ai dit, il fait plus de 8 minutes, donc c'est un peu... On n'a pas vraiment 8 minutes, mais on a écouté pas loin de tout. Hein, donc, et puis de toute façon, on va le retrouver d'ici quelques minutes. Ne vous tracassez pas si vous l'avez aimé. Eh bien, on va le retrouver encore deux fois d'ici 18h30. On vous a mis aussi sur la page Facebook de Planet Indie, eh bien, une vidéo de Billy Hector. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Après le blues, eh bien, on est orienté un peu plus vers le folk. Déjà avec West of Eden, ça a un peu... donner le ton, et puis on poursuit avec Dear Liar et The Bottom Line. Put me down, cut me deep, make me worry so I can't sleep. Tell me you love me when you dream. Mess me up so I can think. Do your worst and do your best. Yell and scream and beat your chest. Turn me into someone new. Thank you. annoncer en commençant cette émission, c'est un extrait du nouvel EP de Steven Casper accompagné du Cowboy Angst. I Feel Like I've Got Snakes in My Head, ça c'est le nom de son EP et le morceau s'intitule Driving Fast. Allez, dans 5 minutes, retour sur notre album Powerplay, l'album de Billy Hector, Old School Thing. Avant cela, on a encore le temps d'écouter Bill Price avec I Want to Hold Your Hand, c'est la version Revisited. A war of words, perhaps you've heard. Words and deeds related, soon the fight is escalated. Hope and hate, both real and great. Fenced off on opposing sides, the gate is locked with fears, lies, and pride. I need a truth, some living proof. Reason to carry on, to believe in beauty over bombs. From the mouth of babes, like a wizened sage. A little boy in a tattered shirt, his eyes alive, his face smudged with dirt. South African dirt. Put his hand into blue paint. Put his handprint on the wall with the others there, children all. And then they sang, if we hold hands together, sisters, brothers, we cannot hit each other. No, no, no. Child of man, I wanna hold your hand. vous rappelle son nom, c'est Bill Price. I Wanna Hold Your Hand, c'est extrait d'un album qu'il a nommé I Can't Stop Looking at the Sky. C'est une sorte, on pourrait presque dire un album concept, parce que c'est un album qu'il a écrit, il est parti quelques mois à l'aventure comme ça, il a écrit de la poésie, des textes, de la musique. Et là, cet album contient 16 morceaux, et ce n'est qu'un échantillon de tout ce qu'il a écrit, puisque c'est bien sous-titré un échantillon sur le titre de cet album, I Can't Stop Looking at the Sky. Donc je vous rappelle, c'est Bill Price. Allez, retour-nous sur l'album qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, l'album Old School Thing de Billy Hector. On s'est arrêté tout à l'heure eh bien, au début de Billy Hector dans le monde de la musique, puisque à l'époque, eh bien, dans les années 60, chacun avait son propre groupe, essentiellement de rock ou de blues. Il raconte que dans son propre immeuble, il y en avait 4 groupes, donc il entendait aussi les adolescents, les jeux, qui étaient un peu plus âgés que lui, qui en parlaient, et donc il a voulu se mettre dans le milieu. Et alors pour pouvoir vivre et supporter sa passion pour la musique, eh ben, il a fait toutes sortes de métiers bizarres. Il raconte qu'il était livreur pour le Newark Evening News. Il dit avec un brin d'humour qu'il ne pouvait pas se lever assez tôt pour travailler pour le Star Ledger parce que c'était un journal qui paraissait le matin. Donc il a plutôt travaillé pour le Newark Evening News, comme son nom l'indique, c'est un journal qui paraissait le soir. Alors il a aussi travaillé dans des restaurants, il faisait serveur et il faisait la plonge aussi, mais le patron ne le payait que pour son travail de serveur. Mais alors il raconte que comme il était, il se trouvait plutôt moche et qu'il avait ses longs cheveux et des t-shirts un peu pourris, on va dire, avec des jeunes filles dans le restaurant. Donc au niveau du salaire, c'était pas grand chose, parce qu'il ne recevait pas grand chose comme pourboire. Et comme on le sait, aux États-Unis, les pourboires, ça fait une grande partie de la rémunération des gens qui travaillent dans la restauration. Alors il a travaillé pour, enfin joué, on va dire plutôt pour plusieurs groupes, notamment les Shots. Il a commencé à jouer avec eux en 1977. Voilà, il a été invité à jouer avec eux. Et puis en fait, les années d'or des groupes ont commencé à s'arrêter. Il a joué ensuite après pour un groupe qui s'appelait Hot Romance, qui était basé au Mrs. J's Biker Bar. Voilà. Et puis il a commencé à être diffusé sur les radios de New York pour ses propres chansons. Il a joué ensuite dans son propre groupe, puisqu'il a formé un quintet plutôt orienté blues rock qui s'appelait les Fairlanes, et il a sorti 3 albums indépendants sur un label à l'époque qui s'appelait le Blue Jersey Label. Donc comme il dit, les années d'or ont commencé à toucher à leur fin, puisque les baby boomers arrivaient ils devenaient des trentenaires, ils voulaient vraiment gagner de l'argent et faire autre chose que leur rêve un peu utopique de vivre de la musique. Mais Billy Hector, lui, il a continué. Après cela, début des années 90, son groupe les Fairlanes a commencé à battre de l'aile, puisqu'il y a tous 2 membres du groupe qui sont tombés malades, et donc ils ont dû se recentrer sur eux-mêmes, et ils sont devenus un trio qui s'est appelé tout simplement le Billy Hector Band. Voilà, c'était la suite. Retour avec un nouvel extrait, l'extrait numéro 2. Un extrait dédié à Rita. C'est notre powerplay, je vous le rappelle, dans Planet Indie. Billy Hector avec son album Old School Thing. Et on écoute donc ce morceau qui s'intitule Rita. Powerplay. Powerplay. It was a cool day in April when she came into my room. She had a pretty little tattoo and an overall sense of doom. She pulled out a razor, scratched a number in my wall. If things get crazy tonight, Bill, it's the number that you need to call. Well, I wish she'd leave me alone, get on that midnight train. I wish I never drank a whiskey, started her cocaine. Rita, Rita, Rita, fine as she could be. Three steps from nowhere and just a step ahead. At midnight, hangover starts at dawn. Pick up your guitar, Billy, and play me a happy song. Well, she pulled back her hand and she drew the shades, and then she tapped her vein. If anybody comes around knocking for me, she said, say, don't know where I am. Started playing to the music, yeah, she was in a trance. She says, it sounds so damn good, Billy, all I wanna do is dance. Woo! Rita, Rita, Rita, fine as she could be. Three steps from nowhere, just a step ahead of me. She had to pay some debt. And then I heard a loud, loud popping. Yeah, the next thing I know, she's dead. The cops showed up with sirens, put a flashlight on her cars. They said, this here be Rita. Yeah, I seen her dead before. I saw her last winter, dressed up to the nines. She said she took the cure, I guess it didn't take this time. Yeah, Rita, Rita, Rita, fine as she could be. Three steps from nowhere and just a step ahead. Time I pass the house, I hear call my name. And I dream about her dancing to every damn song I play. Rita, Rita, Rita, fine as she could be. Three steps from nowhere and just a step ahead. She could be three steps from nowhere and just a step ahead of me. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Mendel Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Matt from the band Yuka, and you are listening to Planet Indie. Thank you. C'est un morceau instrumental, cet extrait du nouvel album de Wilfred Kozub. Vous le connaissez puisqu'on l'avait déjà découvert dans cette émission, mais il était à l'époque accompagné de son groupe Les Grown Men. Ici, il revient en solo. Son album s'appelle What's Gonna Become of Us. Et on écoutait un morceau qui s'intitule Circus Maximus. Il est 18h, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 comme chaque premier samedi du mois. C'est Planète Indie, nous en sommes à l'épisode numéro 371. Et j'espère que vous appréciez la programmation musicale de ce soir. On la poursuit avec une autre nouveauté. Bah oui, on en a pas mal aujourd'hui. Une nouveauté régionale presque pourrait-on dire, puisque c'est un artiste originaire de la région de Nancy. Il s'appelle Fred W ou Fred W. Je sais pas s'il veut qu'on prononce à la française ou à l'anglaise, mais j'imagine que comme son album est en français, il est plutôt intéressé à ce qu'on dise Fred W. Un très bel album qui s'appelle Un truc bizarre. Et moi, j'ai sélectionné pour vous le morceau De cordes ou de chaînes. C'est une nouveauté dans Planète Indie. Je vous rappelle son nom, Fred W. Après cela, on écoutera le groupe de Harsh Blue avec Every Time I Fall Asleep. Dites-leur qu'on en a tous rêvé. Une vie à deux pour ainsi dire, c'est tant d'amour à partager. Si vous n'avez rien à leur dire, dites-leur qu'on en a tous rêvé. Dites-leur qu'on y a tous pensé. Que vous reste-t-il du pire? Le meilleur l'a-t-il emporté? Si vous n'avez rien à leur dire, dites-leur qu'on y a tous pensé. Chacun son lit et sa prison, ses rêves et ses horizons. Le lien sacré, l'ombre du chêne, que soit de corde ou bien de chêne. De corde ou bien de chêne. Cordes ou bien de chaînes. Si vous n'avez rien à leur dire, dites-leur qu'on en a tous parlé. Devant une bière à réfléchir sur l'amour et la loyauté. Si vous n'avez rien à leur dire, dites-leur qu'on en a tous parlé. Chacun son lit et sa prison, ses rêves et ses horizons. Le lien sacré, l'ombre du chêne. De soi, de corde ou bien de chêne. De corde ou bien de chêne. De corde ou bien de chêne. Si vous n'avez rien à leur dire, dites-leur qu'on a trop ressassé. Qu'on s'accorde, qu'on se déchire, on n'a pas fini d'en parler. Si vous n'avez rien à leur dire, dites-leur qu'on a trop ressassé. Chacun son lit et sa prison, le cortège de ses illusions. Le lien brisé, l'ombre du chêne, de soi, de corde ou bien de chêne. De corde ou bien de chêne. De corde ou bien de chêne. Thank you. your moment. Time goes forward, stay and have a sniff. Let's dream about the future. Pretending, pretending you're wasting your spending just one more day, day, day, day. Pretending, pretending you're wasting your spending, it doesn't work that way. Oh no. Alright, say what you want now. Say what you want now. Say for how long are you dreaming, my friend? Welcome to Neverland. Welcome to Neverland. Say for how long are you dreaming, my friend? Welcome to Neverland. Welcome to Neverland. Pretending, pretending you're wasting your spending just one more day. Pretending, pretending you're wasting your spending, it doesn't work that way. It's too much pressure for you. You've got no time to be true to yourself, yeah. Voilà, ce groupe s'appelle The Imperfection. Il nous interprétait Welcome to Neverland. Avant cela donc, les Harsh Blue avec Every Time I Fall Asleep. Retournons, si vous le voulez bien, pour la troisième et dernière fois aujourd'hui sur l'album de Billy Hector, l'album Old School Thing. C'est un artiste donc qui a une 35 ans de carrière musicale, essentiellement en fait de performances live. Il a quand même sorti pas moins de 16 albums, performance live avec donc les différents groupes avec lesquels il a joué, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est aussi étonnant avec lui, c'est que eh bien, quand il va en concert, ses musiciens ne savent pas ce qu'ils vont jouer. Ça se décide pratiquement sur le moment. Il n'a pas de liste de morceaux faite à l'avance. Alors, son palmarès, il est assez impressionnant aussi. Il a reçu 3 fois le Ashbury Park Music Award pour le meilleur guitariste, meilleur groupe de blues et Living Legend. Il a aussi joué 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame American Masters Series en honneur de Muddy Waters et Robert Johnson, donc c'est pas mal non plus. Il a été invité au Kennedy Center à Washington DC pour jouer dans le Lead Belly at 125, un tribute avec notamment Robert Plant, oui, ça sert à rien de le présenter, hein, de Led Zeppelin. Il a gagné 2 fois le East Coast Rockers Best Guitarist Award, et puis il a aussi été nommé et gagné le Jersey Shore Jazz and Blues Foundation Lifetime Achievement Award. C'est pas rien tout cela. Alors, voilà, on va l'écouter une troisième fois aujourd'hui avec un morceau qui s'intitule Fake ID. Je vous rappelle son nom, c'est Billy Hector. Son site internet www.billyhector.com. Et l'album, c'est Old School Thing, et c'était notre powerplay dans Planet Indie aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver aussi sur notre page Facebook. On vous a mis une vidéo. Voilà. Powerplay. Powerplay. We deals of religion. I got the devil to pay. Hey, yeah, when I start rolling, yeah, biscuit out of my way. I got my baby and my cocaine. I got my pork roll and cheese. I got my PBA card. Life is a gamble, that is what I believe. You know you take your chances, you pray you get away clean. Yes, I know who I am, I know just what I believe. I got made the round world, and my bag of weed. Thank you. fly away. You say it's raining down on me, down on me. You say it's raining down on me. You say it's coming down and I can't see. It's coming down on me. Please, baby, don't you fly. Your daddy's coming to tie, tie, tie, tie. Please, baby, don't you fly away. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il sonne, il a une façon de jouer qui rappelle celle de Mark Knopfler. En tout cas, lui, il s'appelait, c'est l'album de Spicewood 7, et un morceau intitulé Crow Song. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Je vous rappelle qu'elle sera rediffusée demain dimanche entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. On a encore le temps de passer en revue en vitesse la programmation de la Rocale. Alors le 4 avril, Decapitated, le 7, ce sera Etz Schröder, mais ce concert est annulé. Le 7, il y aura donc Vianney. Le 7 aussi, il y aura Eros Ramazzotti. Bah, ça va attirer du monde, tout ça. Le 8, Marina Kaye, ce sera pas mal non plus. Le 12, Cœur de Pirate. Le 14, Greg Koch. Le 15, ce sera Millennium Madness. Le 16, le Balkans Festival. Le 16 aussi, Scott Bradley Postmodern Jukebox. Le 17, ce sera un spectacle de magie avec les Ehrlich Brothers. Le 19, il y a Matt Simmons qui jouera au club et le concert de James Morrison, lui, est annulé. On poursuit avec le 20, le groupe La Femme. Le 22, le Maca Mac album, le Maca Mac, c'est son album release. Le 23, il y aura le spectacle du Lac des Cygnes ainsi que le vernissage du 24 Hours Electro for Kids, dont l'entrée est gratuite. Le 24, ce sera William Fitzsimmons. Le 27, vous pourrez aller voir les légendes Haha pour leur Cast in Steel Tour. Le 28, Collega. Le 29, ce sera le Rock Against Cancer. Le 30, Sandy. Et puis le 6 mai, ce sera le spectacle, le one-man show de John Cleese. John Cleese, ce membre des Monty Pythons. Et puis alors, le 7 mai, ce sera les 24 heures électroniques. Le 7 mai aussi, c'est la date de notre prochain rendez-vous, premier samedi du mois de mai. Je crois que j'ai tout dit. On poursuit donc en musique. On va terminer la playlist en roue libre. Il nous reste encore à écouter Cynthia Knight à l'instant. Et puis après, on terminera avec Yael Mayer. Too much bad news everywhere. Every city, every street, no care, no fair. We're in the lost and found. We're upside down, we need a remedy. Too many heads, turning faces. Color, greed, God and aces. You can play your hand, but understand we need a remedy. Nobody's fun, but we're still alone. We're dying of hunger, we're skin and bones. The happy be the machine, we always run out of steam. We need a remedy. We need a remedy. It's the bed we made, we need a remedy. Too many kings, too many queens. There's too much dirt, nobody comes clean. It's the usual deed, not the one we need. We need a remedy. We need a remedy. On la réécoutera en entier une autre fois, ça je vous le promets. Elle s'appelle Cynthia Knight, elle nous interprétait Remedy. Voilà, l'épisode numéro 371 de Planet Indie se terminera dans 3 minutes. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée demain entre 17h et 18h30. Et puis nous, on se retrouve le 7 mai pour le prochain épisode. On se quitte avec Yael Mayer et la version acoustique du morceau When the Road Ends. Voilà, portez-vous bien, passez une bonne soirée, un bon week-end, et à la prochaine. Nobody knows where the road goes. Nobody knows where the road goes. Nobody else, nobody can see. Nobody else. Friends have come, friends I've lost, friends I've found, friends who only stick around, they're in need or when they're down. Good old lines, good old friends remain the same. But there is drought or there is rain, when there is love, oh, there is pain. Nobody can see.